Chapitre 8e. Comment le perroquet, qui ne parlait plus, parla encore, et comment il en résulta que Poltronet sortit de la tour de carton. Poltronet essaya en vain de protester de son innocence. On l'entraîna et on le mena dans une tour isolée qui s'élevait à quelque distance du palais. On ferma la porte et on le laissa seul, libre de se promener dans toutes les chambres qui avaient par-ci par-là une fenêtre bien grillée et sur la plateforme qui était trop haute pour qu'on craignît une évasion. Pendant que Poltronet se rongeait les ongles dans sa prison, en calculant avec désespoir que les heures ainsi passées étaient prises sur les 365 jours qui lui avaient été accordés pour retrouver l'esprit de sa belle princesse, une grande consternation régnait dans le pays des bébés. On sait en effet, pour l'avoir entendu plutôt que pour l'avoir vu, combien l'humeur des souverains déteint sur leur sujet. Or, le palais du roi Toto et de la reine Zaza était devenu l'asile même de la tristesse et de la désolation. Le roi ne pouvait se consoler de la fin prématurée de ce merveilleux polichinelle sur lequel il avait compté pour embellir ses jours, et qu'il n'avait pas même eu la satisfaction de casser lui-même. Quant à la reine, elle avait un sujet d'ennui non moins grave. Depuis l'emprisonnement de Poltronet, le perroquet était devenu muet. En vain la princesse le comblait d'attentions et de caresses. En vain elle le suppliait de renoncer à cette taciturnité désolante. En vain elle l'essayait de lui arracher quelques paroles, en lui grattant la tête ou en lui offrant les friandises les plus séduisantes. Le perroquet n'ouvrait pas le bec, même pour manger. Enfin, un jour, Zaza, exaspérée par cette obstination, entra dans une affreuse colère. Elle fit retentir le palais de ses cris, pleura, trépigna, brisa tout ce qu'elle trouva sous sa main. Enfin, elle se répandit en menaces contre l'oiseau et dit qu'elle lui tordrait le cou s'il persistait dans son mutisme. « Tant mieux, » dit le perroquet. « Quand je serai mort, je ne parlerai pas, et je serai content d'en avoir fini avec une existence qui m'est à charge. »« Il parle, il parle !» s'écria la princesse, transportée de joie, en battant des mains et en sautant autour du bâton doré où était perché l'oiseau, attaché par un pied à une chaîne d'or. « Oui, je parle, » reprit le perroquet. « Je parle pour vous remercier de l'idée que vous avez eue en pensant à m'arracher une vie que je ne puis supporter loin de cet aimable prince dont on m'a injustement séparé. »« Injustement ?» s'écria Zara. « Son châtiment n'est pas injuste, puisqu'il a porté une main sacrilège sur un objet que le roi mon époux avait payé si cher. »« Ce n'est pas vrai, » dit avec chaleur l'oiseau intelligent. « Poltronet est incapable d'une pareille conduite. Il a été victime d'une calomnie qui doit avoir des motifs cachés. » La princesse se mordit les lèvres et ne répondit pas. Mais la glace était rompue. La conversation fut reprise, et grâce à sa pénétration, le perroquet sut bientôt la vérité. La princesse fut obligée d'avouer que, guidée par le désir de s'approprier l'oiseau dont elle avait admiré l'esprit et l'intelligence, elle avait brûlé elle-même le polichinelle du roi et s'était arrangée de manière à diriger les soupçons sur Poltronet. Elle déclara en même temps qu'elle se repentait de cette conduite coupable, mais ajouta qu'elle ne pouvait la réparer sans faire un aveu complet et, par conséquent, sans attirer sur elle-même la terrible colère de son royal époux. « Vous n'y échapperez pas davantage en gardant le silence, » dit le perroquet, « car moi, je parlerai encore une fois, et ce sera pour apprendre au roi la vérité. »« À moins, » ajouta-t-il en voyant l'air consterné de la princesse, « que vous ne consentiez à délivrer Poltronet vous-même. »« Mais le puis-je ? » dit Zaza. « La prison est bien gardée. »« Je puis voler jusqu'à lui, » dit le perroquet, « et lui porter une corde à l'aide de laquelle il s'évadera. » La princesse secoua la tête. À défaut d'esprit, elle avait l'instinct des enfants qui savent deviner chez les autres le désir et le projet de les tromper. « Si tu t'envolais, » dit-elle, « tu ne reviendrais pas. Trouve un autre moyen. » « Soit, » dit le perroquet, après avoir réfléchi. « Allez dans le jardin. Attrapez des fourmis. » Et mettez-les dans une boîte. Ensuite, vous vous procurerez une grande quantité de cordes de différentes grosseurs, depuis la soie la plus déliée, jusqu'à une corde capable de supporter un homme. Cette nuit, vous prendrez tout ce que vous aurez préparé, et nous irons délivrer le pauvre Poltronet. La nuit venue, en effet, et tout le monde endormi, Zaza sortit secrètement du palais. Elle avait avec elle les divers objets indiqués par le perroquet et portait le perroquet lui-même enfermé dans une cage. Arrivée au pied de la tour de carton, elle s'arrêta. Dondin, prévenu, attendait à quelque distance avec le cheval et les armes de son maître. Poltronnet, dévoré par l'inquiétude et l'impatience, n'avait garde de dormir. Il se promenait sur la plateforme, regardant tristement les nuages qui passaient, emportés par le vent, vers le pays où la princesse bébé mangeait, buvait et dormait sans penser à rien d'autre chose. Tout à coup, il lui sembla entendre des voix parlant tout bas au pied de la tour. Il se pencha, mais ne vit rien. La nuit était noire. Il écouta et il entendit prononcer son nom. « Je suis là, » dit-il. « Bien, » dit la voix. « Amusez-vous à attraper les fourmis si vous en voyez grimper le long du mur. » « Voilà une singulière recommandation, » pensa le prince. Néanmoins, il se prépara à faire ce qu'on lui disait, ouvrant les yeux de toutes ses forces pour voir dans l'obscurité. Bientôt il vit de nombreux points noirs se mouvoir sur la muraille blanche, tous se dirigeant de bas en haut. En regardant de près, il reconnut que c'étaient des fourmis qui toutes couraient vers lui comme s'il s'agissait de gagner le prix de la course. En effet, la princesse, selon la recommandation du perroquet, avait tiré de leur boîte les fourmis qu'elle avait apportées et les avait posées sur la muraille, la tête tournée directement en haut, après leur avoir préalablement frotté la tête avec de la graisse. Les insectes, sentant cette nourriture, s'étaient aussitôt mis à courir droit devant eux avec le plus louable empressement. Poltronnet en prit plusieurs, et à son grand étonnement, il s'aperçut que chaque fourmi traînait après elle un fil de soie. Il tira les fils, et au bout de chacun, il trouva nouée une cordelette mince qu'il tira également. À la cordelette succéda une ficelle plus grosse, et enfin le prince, tirant toujours, amena une corde d'une grosseur et d'une solidité suffisantes pour lui faire pousser un cri de joie. Il s'empressa, ne trouvant rien qui pût servir à attacher sa corde, de rejeter au dehors le bout qu'il tenait par l'embrasure voisine, lui faisant embrasser le large créneau qui séparait cette embrasure de celle par laquelle montait la corde. Au bout de quelques instants, il sentit une résistance et le mouvement d'ascension s'arrêta. En même temps, la voix d'en bas lui cria de descendre. Il enjamba la balustrade et se suspendit des deux mains. Il allait se laisser glisser quand il sentit que la corde elle-même descendait et qu'il était entraîné vers la terre par un mouvement doux et égal, comme si sa chute était réglée par un contrepoids, et il vit, en effet, à un certain moment, passer à quelque distance de lui, suspendu à l'autre partie de la corde, une forme humaine qui montait pendant que lui descendait. Ce contrepoids vivant, c'était la princesse Zaza. Comme elle se préparait à retenir la corde de toutes ses forces pour faciliter la descente de Poltronnet, le perroquet lui avait représenté que ses petites mains ne suffiraient pas à une telle tâche et qu'elle ferait mieux de s'attacher la corde autour du corps. Elle l'avait fait, et le poids du prince, naturellement plus lourd, l'avait enlevé sans qu'elle pût s'en défendre. Le perroquet, témoin de l'événement qu'il avait prévu, riait à sa manière quand Poltronnet toucha à terre tout près de sa cage. « C'est moi, » lui dit-il. « Nous n'avons le temps ni de nous étonner, ni de nous expliquer. Attache vite le bout de la corde au pied de cet arbre et sauvons-nous. »« Mais qui est là-haut ? » dit le prince. « Quelqu'un qui l'a mérité, » répondit le perroquet. « Partons. » Poltronnet prit la cage, monta à cheval et gagna la campagne, suivi de Dondin, tandis que la princesse Zaza restait pendue en l'air, pleurant, enrageant, n'osant appeler ni crier, et attendant avec anxiété le jour qui devait mettre fin à ses angoisses, mais non sans amener une explication difficile. Poltronnet, de son côté, tout satisfait qu'il était d'avoir recouvré sa liberté, n'était pas extrêmement gai. L'année qu'il avait demandée comme délai au roi de Sérendip avait déjà accompli plus de la moitié de son cours, et le seul résultat qu'il eût obtenu, c'était la conviction récemment acquise que la fille de Spavento n'avait pas reçu le présent que lui destinait son père, et que ce n'était pas à elle qu'il fallait redemander l'esprit de la princesse Fêlée. Si elle l'avait possédé, elle ne se fût certes pas trouvée dans la position où elle se trouvait à cette heure, à moitié chemin entre le ciel et la terre. Mais si ce n'était pas elle qui avait ce trésor, où était-il et où fallait-il le chercher? Quand il se faisait cette question, Poltronnet ne trouvait rien à se répondre, et le perroquet consulté ne pouvait, malgré toute sa sagesse, aider en rien à la solution recherchée. Poltronet se frappait le front pour la centième fois en se demandant ce qu'il devait faire et à qui il devait s'adresser, quand Dondin, se grattant le nez d'un air capable, dit que pendant son séjour chez les bébés, il avait entendu parler d'une sorcière très renommée dans le pays, laquelle expliquait les songes, prédisait l'avenir et résolvait les questions les plus difficiles. « Voilà mon affaire, » dit le prince. « Allons-y. »« Malheureusement, on n'y va pas comme ça, » reprit Dondin. « Cette brave femme n'aime pas à exercer ses fonctions et il faut l'y contraindre. »« Je la prierai, » dit le prince. « Ce n'est pas sans danger, » dit l'écuyer. « Elle demeure au fond d'un puits. Il faut y descendre seul, sans armes. » Et si au bout d'une heure on n'a pas réussi à lui arracher la parole qu'on voulait d'elle, on devient son esclave à perpétuité, et il n'est pas permis de revenir. « N'importe, j'irai, » dit le prince, « à moins que tu ne désires me prouver ton dévouement en y allant à ma place. »« Ce serait avec plaisir, monsieur, » répliqua Dondin, « mais vous savez que les enchanteurs, les magiciens, les sorcières, ce n'est pas mon fort. »« J'irai donc moi-même, » dit encore Poltronet, « c'est résolu. » On prit les informations nécessaires et l'on arriva bientôt sur le bord du puits habité par la célèbre nécromancienne.